Oh, L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. La servante du Seigneur. Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chez vous, au travail, en voiture, Radio Massabielle vous accompagne. En marche vers dimanche. En marche vers dimanche. Les textes de la liturgie de ce dimanche dans leur cohérence. La première lecture.